Les nouveautés à la Maison de cinéma de Sherbrooke cette semaine. Selma, de la réalisatrice Ava DuVernay, en version originale anglaise. He's got supporters. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches. I'm very aware of that, Mr. Hoover. What I do know is he's nonviolent. What I need to know right now, what's Martin Luther King about to do next? Mr. President, Dr. King is here. Mr. President, in the South, there have been thousands of racially motivated murders. We need your help, Dr. King. This thing's just gonna have to wait. It cannot wait. You got one big issue, I got 101. Summer it is. Here is the next great battle. Selma's the place, and they ready. Dr. King! I tell you, that white boy can hit. You will not tolerate agitators attempting to orchestrate a disturbance in this state. It is unacceptable that they use their power to keep us voiceless. Those that have gone before us say no more. People actually say they're going to kill our children. They are trying to get inside of your head. What happens when a man stands up, says enough is enough? We build the path as we came, rock by rock. His cell is probably bugged. It probably is. We must march. We must stand up. You march those people into rural Alabama, it's got to be open season. May I have a word? There's no word to be had. The people. The people. The people. The people. The people. There are 70 million people watching. These pictures are going around the world. We must make a massive demonstration. White, black, and otherwise. Come to Selma. I heard about the attack of innocent people. I couldn't just stand by. Looks like an army out there. This revolution goes on and on. This revolution goes on and on. My eyes have seen the glory. Glory. Glory. Hallelujah. What happens when a man stands up, says enough is enough? Le garçon d'à côté, du réalisateur Rob Cohen, en version française. Ça fait 9 mois et tu n'as pas encore demandé le divorce. Il te trompe avec sa secrétaire à chaque fois qu'il va au bureau. Tu n'as jamais fait d'erreur? T'es prête, maman? Vas-y, tire, mon chéri! C'est bon. Et vous êtes? Noah. J'habite à côté avec mon oncle. Tu n'es pas du coin? Non. Mes parents ont eu un accident. Je vais finir mes études à Monroe High. Ma mère enseigne là-bas. Elle a l'air trop cool pour être prof. Waouh, vous êtes magnifique. Je suis désolé, j'aurais pas c'est dû... C'est pas grave. C'est la plus belle chose qu'on m'ait dite depuis très longtemps. Alors je suis content d'avoir dit ça. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on se sent perdu, seul au monde. Faut que j'y aille. Non, restez. Pas de jugement. Pas de morale. Seulement nous. Écoute, Noah, j'étais vulnérable. C'est moi l'adulte, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne peux pas faire ça. Hé, hey Noah, tu manges avec nous? Bonjour, Madame Peterson. Vous leur avez dit pour ce week-end? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a eu un énorme orage. Vous n'avez pas eu de pluie au lac? Non, on a eu un beau grand soleil. Eh ben, ici, il y avait des flamèches. Monsieur le directeur? Bonne nouvelle, j'ai approuvé votre demande. Noah Sanborn peut intégrer votre classe. Kevin, est-ce que tu t'es servi de mon compte pour envoyer un courriel? Vous avez été piraté, on dirait. Vous devriez changer de mot de passe. Ton père passe beaucoup de temps chez vous en ce moment, non? Ouais, c'est vrai. Oublie jamais qu'il vous a abandonné. Chérie, j'aimerais que tu évites Noah à l'avenir. On se voit à l'école. Désolée. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Je vais perdre mon travail, mon fils et ma vie. Qu'est-ce que tu espérais, au juste? Je te laisserai jamais partir. Non! Ne t'approche plus de moi! Ni de mon fils! C'est impossible, Claire. Je suis votre voisin. Tu veux un biscuit pour la route? J'adore les sucreries de ta mère. Mordecai, du réalisateur David Cope, en version française. Il y a 3 mois, un musée espagnol a envoyé son Goya pour être restauré à Londres. Le tableau a disparu. Des malfaiteurs le cherchent pour financer une violente révolution mondiale. Des millions de vies sont en jeu. Et vous voulez que ce soit moi qui le retrouve ? Précisément. Mais avec une jolie récompense à la clé. Faites-le pour la reine et votre pays. Non ! Bon, d'accord, pour la reine et le pays, mais alors tout ferait payer, c'est évident. D'accord. Je suis Lord Charlie Mordecai. Respecté par tous ceux qui me connaissent. Ah bah, plus ou moins. Très joli tir, monsieur. Un homme à terre. Je suis un marchand d'art, un aficionado. Ma femme, Johanna, mon seul véritable amour. Je pensais voir comment les agents secrets dirigent le monde. Je crains de devoir taper du poing sur la table, darling. Pardon ? Avec votre permission, bien sûr. Jock est mon serviteur le plus dévoué et il se charge des affaires les plus pressantes. Bien joué, Jock ! Je suis aussi au bord de la faillite. C'est pour cela que nous avons besoin d'un plan terriblement intelligent pour obtenir la récompense. Prenons le tableau quand personne ne regarde. Ingénieux. Allez en Amérique et faites en sorte de rapporter ce tableau. J'ai comme l'impression de m'être trompé d'endroit et d'être arrivé sur le tournage d'un film pornographique. Je suis Georgina Crumb. Elle est bien connue pour être une nymphomane. Ah. Qui sait, ceci est peut-être une façon habituelle de se saluer en Amérique. Allez savoir. Pousse ! Il y a une carte, vous la voyez ? Plus de cartes ! Je n'aime pas ça. Est-ce ici que l'on a trouvé le corps? Qu'est-ce que vous faites? Non, un peu plus à gauche. Très bien. Désolé, je voulais dire à droite. Très bien. Ici. Oh, Charlie. Foxcatcher, du réalisateur Bennett Miller, en version française et en version originale anglaise. Vous savez qui je suis exactement? Un type riche vous téléphone. Je voulais discuter avec vous de ce que vous espérez accomplir. Qu'espérez-vous accomplir, Mark? Je veux être le meilleur du monde. Bien. Voici une clé pour vous. La résidence est à 200 mètres si on vous invite à dîner là-bas. Défense d'entrée autrement. D'accord. Monsieur Dupont est un entraîneur visionnaire. Il souhaiterait que Foxcatcher soit désigné centre d'entraînement officiel de l'équipe olympique. C'est quoi son intérêt? À quoi tu réfléchis? On y est là. C'est tout ce qu'on a toujours espéré. Mark, tu as vécu dans l'ombre de ton frère aîné durant toute ta vie. C'est ton heure, maintenant. Je vous promets, je vous donnerai tout ce que je peux. J'encadre des hommes et j'apporte à l'Amérique de l'espoir. Je me suis cherché un père toute ma vie et j'en ai enfin trouvé un en John Dupont. Qu'importe, la lutte est un sport dégradant. Et je n'apprécie pas de te voir en situation dégradante. Pourquoi, il n'y a personne au gymnase? Oui, non. Tu n'es qu'un ingrat, une brute. Marc? Marc? Marc? Ça va aller. D'accord. Dave, j'ai pas besoin de ton aide. Je peux savoir ce qui se passe entre toi et Dupont? Qu'est-ce que je viens de dire? Un entraîneur, c'est un père. Un entraîneur, c'est un mentor. Un entraîneur a beaucoup de pouvoir sur la vie de l'athlète qu'il suit. Marc? Les aventuriers, voyageurs Kawaii, disponible uniquement le 28 janvier. Aussi à la maison du cinéma cette semaine. Sommeil d'hiver, du réalisateur Nuri Bilge Ceylan, en version originale turque avec sous-titres français. Garçon d'honneur Inc. du réalisateur Jeremy Gerulick en version française et en version originale anglaise. Chapeau noir du réalisateur Michael Mann en version française. Paddington du réalisateur Paul King en version française. Tireur d'élite américain du réalisateur Clint Eastwood en version française et en version originale anglaise. L'enlèvement 3 du réalisateur Olivier Mégaton en version française. Deux jours une nuit des réalisateurs Luc et Jean-Pierre Dardenne en version originale française. Le jeu de l'imitation du réalisateur Morty Tilden en version française et en version originale anglaise. Wild du réalisateur Jean-Marc Vallée en version française. La théorie de l'univers du réalisateur James Marsh en version française.